D'autres puissants de ténèbres qui régnaient sur vous, que je commande au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle vous quitte maintenant. Priez, priez. Lâche-moi. Je te chasse. Qu'est-ce que

Sorry, Je commande maintenant par la puissance